Ah, alors, la balle l'a frappé en pleine poitrine. Bien. Placez une croix sur lui et que Dieu lui pardonne. Bon, pour être voleur, on n'en est pas moins chrétien. Oui, c'est Lyon. Puisqu'une destinée sans merci a fait de moi un chef de brigand, mes crimes seront démesurés, comme ma peine est sans limite. On me donne la chasse comme si j'avais tué Lizardo par traîtrise. Tant d'injustes acharnements me poussent au désespoir, m'oblige à défendre ma vie de quelques crimes qu'il faille la payer. Mes biens sont saisis, mes terres confisquées. Je suis traité avec tant de dureté que la nourriture elle-même m'est refusée. Eh bien, puisqu'on ne me laisse d'autre pain que celui du malheur, aucun voyageur ne passera ici sans le payer de sa fortune et de sa vie. Capitaine, je suis allé voir par où était entrée la balle. Et ce que j'ai trouvé est si extraordinaire qu'il faut que tu l'entendes. La balle s'est écrasée sur un livre que celui-ci avait sur la poitrine. Il était simplement évanoui. Le voilà sain et sauf. Approche. Qui es-tu pour que le ciel te favorise d'un si extraordinaire miracle? Je suis le plus heureux des hommes, capitaine. Quoiqu'indigne, j'ai mérité d'être prêtre et j'ai enseigné à Bologne la théologie sacrée. On m'a donné l'évêché de Trente en récompense de mes travaux, mais bientôt, effrayé d'avoir la charge de tant d'âmes quand à peine je pouvais rendre compte de la mienne, j'ai laissé la gloire et les honneurs, j'ai fui les illusions du siècle et dans ces solitudes où l'on rencontre la vérité nue, je suis venu chercher le désenchantement, seule et dernière vérité de ce monde. J'allais à Rome, capitaine, pour demander au pape de m'accorder l'autorisation de fonder un ordre de saints ermites. Quel est ce livre? Le fruit de mes années d'études. Que contient-il? La véridique histoire de ce bois divin sur lequel le Christ triompha de la mort en la recevant avec la force de l'âme. Ce livre s'appelle « Les miracles de la croix ». Garde ton argent, tes vêtements et ta vie. Je ne veux que ce livre. Vous autres, accompagnez-le et laissez-le libre. Je demanderai à Dieu qu'il te donne sa lumière pour que tu vois enfin dans quelle erreur tu vis. Si tu me veux du bien, prie Dieu seulement qu'il ne permette pas que je meure sans confession. Je te donne ma parole. Je quitterai ma solitude pour aller te confesser où que tu m'appelles. J'en fais le serment. Je suis prêtre et m'appelle Alberto. Me donnes-tu ta promesse? Voici ma main. Je te rends hommage. Traverser la montagne pour venir te parler. Qu'y a-t-il? Deux mauvaises nouvelles. Quelles sont-elles? La première est que le père de Lizardo a reçu mission de te prendre mort ou vif. Quoi d'autre? Julia. Eh bien, continue. Elle est entrée dans un couvent régulier. Appelle Célio et Ricardo. Je vais les chercher. Je donnerai l'assaut au couvent qui la garde. Des plus terribles châtiments ne me feront pas reculer. Pour jouir de sa beauté, l'amour me rend sacrilège et m'oblige à violer le cloître. Et si même l'amour ne me contraignait à tant de forfaits, je les accomplirais encore. Pour la seule joie du crime. Eusebio, un groupe de villageois marche en armes contre toi. Je crois qu'ils approchent. Curcio prépare sa vengeance. Décide de ce que tu veux faire. Rassemble tes hommes et partons. Il vaut mieux fuir maintenant. Nous avons beaucoup à faire cette nuit. Venez avec moi tous deux. Vous, à qui je confie justement ma réputation et mon honneur. Oui, Eusebio, justement. Et je mourrai volontiers à tes côtés, quand il le faudra. Tout s'annonce bien. La nuit promet d'être obscure. Je jouirai de ta beauté, Julia. Même si le ciel voulait la défendre. Nous voici dans l'endroit le plus retiré de la montagne. C'est ici. Oh mon Dieu. Seigneur, quelle nouvelle douleur t'accable ? Octavio, fais que ces gens me laissent. Et que devant moi seul, je puisse me plaindre de moi au ciel. Allons, soldats, faites évacuer. Ce jour-là, devant cette croix où nous nous trouvions, je tirai ma dague. Et Rosmira, sans laisser paraître de trouble ni de crainte, me regardait. Cher époux, arrête. Tu désires me tuer. Je ne m'y opposerai pas. Comment te refuser une vie qui t'appartient ? Mais je te prie seulement de me dire pourquoi il faut que je meure et de me laisser ensuite t'embrasser. C'est ce que tu caches dans ton ventre qui va t'apporter la mort. L'enfant que tu attends suffit à me prouver ton crime. Mais avant que tu puisses le voir, je te tuerai. Je me ferai ton bourreau. Celui d'un ange. Oh, mon époux. Si vraiment tu t'es persuadé de mon déshonneur, il sera juste que tu me tues. Mais par cette croix que j'embrasse, je jure que je ne t'ai jamais outragé. Qu'elle seule soit aujourd'hui mon garant. Son innocence éclatait à mes yeux. Et j'aurais voulu alors me jeter repenti à ses pieds. Mais celui qui médite une trahison doit bien considérer d'abord ce qu'il veut faire. Une fois la chose arrêtée, s'il veut reculer, le voilà qui avance. Pour ne pas renoncer à ses propres raisons. Je crus l'avoir tué au pied de la croix. Et je cherchais seulement à fuir et à retourner chez moi. Mais à peine de retour, oh miracle, sur le seuil de ma maison, j'aperçus Rosmira que j'avais cru laisser sans vie dans la montagne. Rosmira plus belle que l'aurore quand elle nous présente dans ses bras l'enfant soleil. Elle me tendait Julia. Reflet de sa beauté et de sa pudeur. Ce soir-là, au pied de la même croix, elle avait accouché. Et comme un signe éclatant, l'enfant qui venait de naître portait sur sa poitrine une croix fulgurante tressée de feu et de sang. Quelle joie aurait pu alors égaler la mienne ? Mais hélas, cette merveilleuse aventure était obscurcie par un autre malheur. Rosmira, en effet, perdue au milieu des douleurs, avait senti qu'elle mettait deux enfants au monde. L'autre enfant était resté dans la montagne. Seigneur, une troupe de brigands traverse la vallée. Pendant qu'on y voit encore et avant que la nuit s'épaississe, il vaudrait mieux descendre à leur rencontre. Ils connaissent la région et nous ne la connaissons pas. Réunis nos hommes et allons de l'avant. Jusqu'à l'heure de la vengeance, il n'y aura plus de bonheur pour moi. Pas de bruit. Posons l'échelle ici. Vous ôterez l'échelle dès que je serai sur le mur. Et attendez mon signal. Allons. Qu'attends-tu? Ne vois-tu pas ce feu brûlant qui me menace? Ce sont la fantôme, capitaine, qui viennent de la peur. Quelle peur? Alors monte! Ces rayons m'aveuglent. Mais je passerai à travers les flammes. Le feu de l'enfer lui-même ne m'arrêtera pas. Il est entré. C'était une hallucination. Quelque imagination que sa crainte se créait à elle-même. Ôtons l'échelle. Il nous faut attendre jusqu'au jour. Il lui a fallu de l'audace pour rentrer. Quant à moi, j'aurais préféré retrouver ma villageoise. Enfin, ces jolis jeux seront pour plus tard. J'erre dans ce couvent. Personne ne m'a vu. Partout où j'ai porté mes pas, je n'ai trouvé que des cellules dont les religieuses tenaient ouvertes les portes étroites. Mais Julia ne se trouvait dans aucune. Où vais-je ainsi, courant après des espérances toujours trompées? Quel horrible silence. Quelle funèbre obscurité. De la lumière. Une cellule. Et voici Julia. Pourquoi hésiter? N'ai-je même plus le courage de lui parler? Sous cette bure, sa beauté que je convoite produit en moi le plus violent effet. Mon amour s'excite en même temps du désir que je porte à son corps et du respect que m'inspire sa robe. Julia. Julia. Oh mon Dieu. Es-tu l'ombre de mes désirs ou le fantôme de mes pensées? Je te fais donc si peur. Que me veux-tu, ombre, reflet de mon obsession? Est-ce mon imagination qui suscite ici un spectre? La figure d'un songe, la chimère d'une nuit froide. Julia, entends-moi. Julia, c'est moi, Eusebio, vivant, à tes pieds. Si je n'étais que la pensée d'Eusebio, elle ne t'aurait jamais quitté. Oh, Eusebio. Eusebio, que viens-tu faire là où je vis dans la peine, où je meurs dans les larmes? Que me veux-tu? Que cherches-tu? Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Oh, amour. Tout en toi est des mesures. Jusqu'à ce que j'ai connu ton entrée au couvent, j'ai souffert sans cesser d'espérer. Et lorsque j'ai su que ta beauté était perdue pour moi, j'ai foulé aux pieds le respect et j'ai violé la loi du cloître. La force, le désir me jettent à toutes les folies. Ma prétention d'ailleurs ne peut affliger le ciel. Avant qu'on t'ait amené ici, tu t'étais promise à moi en secret. Tu ne peux être à la fois épouse et nonne. Tout fut comme tu le dis. Mais ici, en prononçant mes vœux, j'ai juré d'être l'épouse du Christ. Je suis à lui. Il a ma parole et ma main. Va-t'en, Eusebio. N'espère jamais jouir de cet amour dément. Songe seulement que je suis vouée à Dieu. Et ta folie te fera horreur. Non, Julia. J'ai franchi les murs de ce couvent. Je t'ai vue maintenant. Et ce n'est plus l'amour qui brûle en moi, mais une force plus sombre. Cède à mon désir. ou je dirai que c'est toi qui m'as appelé et qui me tient enfermé dans cette cellule depuis plusieurs jours. Sachez tous. Arrête ces vieux songes. Alors moi, j'entendais pas, on traverse le cœur. C'est toi maintenant que je redoute. Tarde. Celui qui jouit de son bonheur ne s'occupe jamais du lever du jour. À mon avis, il doit être occupé de toute autre chose qu'à attendre le lever du soleil. Déjà 2 heures qu'il est là. À peine 2 heures, voilà ce qu'il dirait. Célio, sais-tu le soupçon qui m'est venu aujourd'hui? C'est Julia qui l'a appelé. Qui, à moins d'être appelé, donnerait l'assaut à un couvent? Ricardo. Oui. N'as-tu pas entendu un bruit? Oui. Posons les chefs. Au moment où je me rends à tes prières, au moment où je cède à ton désir et où je fonce le ciel, tu t'arraches à mes bras. Tu me dédaignes sans plus rien vouloir. Tu me méprises sans m'avoir possédé. Où vas-tu? Laisse-moi. Je m'arrache à toi parce que j'ai vu une croix sur ta poitrine nue. Et depuis que j'ai vu cette croix, je te regarde avec terreur. Tout ce que tu m'offres est une promesse d'enfer. Oui, l'enfer brûle par tes regards et tes soupirs. Il te couronne d'éclairs. La mort parle par ta bouche. Ce signe est miraculeux. Et malgré tous mes blasphèmes, le ciel ne me laissera pas perdre le respect que je dois à la croix. Si je la rends témoin de mon péché, comment oserais-je l'appeler ensuite à mon aide? Non. Non, Julia. Reste dans ton couvent. Ne crois pas que je t'ai méprisé. Je t'ai jamais autant aimé. Attends, Ezébio, écoute. Reste ou emporte-moi. Non. Non, je ne peux pas. Ce que j'ai tant désiré, il faut maintenant que je m'en détourne, sans en avoir joui. Le ciel me garde. Qu'est-il arrivé? Ne vois-tu pas cette boule de feu hérissée de flèches brûlantes? Le ciel inondé de sang s'abat sur moi. Qui me gardera si le ciel lui-même s'irrite? Ô croix divine, je te promets, je jure solennellement sur tout ce que j'ai aimé en ce monde, que partout où je te rencontrerai, je mettrai genoux en terre pour saluer ma mère, qui souffrit à tes pieds. Je reste seule. Sont cela ingrat tes promesses? Est-ce là ton amour sans limite? Les menaces, la contrainte, les prières d'un amant, tu as tout mis en œuvre pour me soumettre à ton désir. Mais dès que tu as pu te dire maître de ton plaisir, à l'instant de vaincre, tu as fui. Qui d'autre que toi osa jamais fuir en vainqueur? Je meurs. Mon Dieu, ayez pitié de moi. Quand Eusebio me suppliait avec des larmes, je le dédaignais. Mais aujourd'hui qu'il me dédaigne, je le supplie. Ainsi sommes-nous, nous autres femmes. Aimer, nous méprisons. Détester, nous aimons. Je ne souffre pas de ce qu'il ne m'aime pas, je souffre de ce qu'il me rejette. C'est ici qu'il est tombé, et c'est ici que je me jetterai derrière lui. Arrête, imagination, ne me précipite pas. Que je consente seulement au crime, et déjà je l'aurai accompli. Mais quoi? Eusebio n'a-t-il pas franchi pour moi les murs du couvent? N'étais-je pas fière de le voir à cause de moi jeté au-devant de si grands périls? Pourquoi donc hésiter? Pourquoi craindre? Je ferai pour sortir d'ici ce qu'il a fait pour y entrer, et s'il me ressemble, il se réjouira de me voir tant risqué par amour de lui. Je viole la loi du monde et de l'honneur. J'outrage la face de Dieu. Mauvais ange précipité du ciel, je m'enfonce en aveugle dans cette nuit profonde. Mais je n'ai pas l'espoir de revenir en arrière. Et je ne me repentirai pas. Si loin du couvent. Le silence est horrible. L'ombre me remplit de crainte. Je marche ébloui par la nuit. Je trébuche dans les ténèbres avant de rouler dans mon péché. Où aller? Que faire? Je ne sais ce que je veux. Le crime qui tout à l'heure me faisait superbe, maintenant me fait défaillir. Un poids terrible écrase mes épaules. Je suis couverte de glace. Non, je ne peux pas partir. Il faut que je retourne au couvent. Je veux demander pardon de ce péché. Mon Dieu, je crois à votre clémence et que vous pouvez pardonner autant de péchés qu'il y a ensemble d'étoiles dans le ciel, de grains de sable dans la mer et d'atomes dans le vent. Les frayeurs de Zébio nous ont fait oublier l'échelle. Il faut la reprendre avant que le jour vienne et qu'on la voie contre ce mur. Oui. Allons-y. Dieu, je comprends maintenant mon malheur. Vous me fermez l'entrée de votre maison. Vous me signifiez que vous ne voulez ni de mon retour, ni de mon repentir. Eh bien, si déjà vous avez à jamais refusé de m'absoudre, que le monde épouvanté et le siècle surpris sachent que désormais, les crimes d'une femme désespérée feront horreur au péché. Assombriront la face du ciel.